J'ai décidé que maintenant, je vais être calme. Non, maintenant, je préviens d'une chose. Faut mettre les points sur les i, comme c'est dit hier, faut gueuler. Les points sur les i et les barres sur les t. Le premier ce soir, tu viens me percher lors du débat, ouais, non, il va casser.